Exercice 5, page 96. A. Tu vas te mettre en robe ? B. C'est une bague en or ? C. Ça se trouve en Dordogne. D. J'y vais en octobre. E. Je reste en Normandie. F. Pars en Corse dimanche.